J'ai brisé un cœur, il m'a échappé, je l'ai même pas ramassé. J'ai brisé un cœur, et pas n'importe lequel. J'ai brisé.